fois à me concentrer sur mon sort. J'ai le monde entier en mon fort, un condensé de consonnes et de voyelles. Vous est à chuter comme la tour de Babel. On vise le ciel depuis l'époque de la marelle. On vient se noyer dans un verre de Javel. Tout serait dû à trimer pour remplir la gamelle et trouver un bout de parcelle sur cette terre que les anciens se sont attribués. À peine né, déjà inculpé par des lois que nous ne saurions discuter. Comme si toutes ces nomenclatures procédaient d'un état de nature qu'elles ne pouvaient être mises en cause, vu qu'elles sont l'ossature d'une implicite dictature douceureuse. On peut que l'accepter si l'on veut une vie heureuse. De fait, sa légitimité se creuse. Elle prospère sans qu'on fasse son procès. Certains se prosternent à protège. Certains sont prostrés, profèrent. D'autres encore professent qu'un jour ces choses progressent. Mais en ce qui me concerne, je n'aime pas les promesses. Alors je me plie de façon résignée à cet absurde contrat que je ne saurais résilier.